Ouais, ici Taïluk, message de soutien à British Connection qui diffuse du LSD depuis plusieurs années. British Connection rend hommage à Ty Luke, le chanteur de LSD, La Souris Déglinguée. Depuis quelques années, il était devenu bouquiniste sur les quais de Paris et il était un des opposants à la mairie de Paris qui veut les faire déménager à l'approche des Jeux Olympiques. Sa boîte contenait beaucoup de livres sur l'Asie et quelques disques également. Il était de bon ton de s'arrêter le temps d'un bonjour ou d'un selfie. Les rockers retrouvaient un vieil ami et ce dimanche 3 décembre, ce sont eux qui pleurent, Ty Luke. Et salut le copain parti dans la Cité des Anges. British Connection, enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Ah, regarde, c'est la chronique insolite du vendredi. Ce soir, plein feu sur le rock and roll pur et dur. Ceux que vous allez voir existent depuis 10 ans à peu près. Ils ont survécu à toutes les vagues musicales. Leur nom, la Souris Déglinguée. Particularité, le chanteur du groupe, qui est aussi leader et parolier, fait l'aller-retour entre la banlieue parisienne et la jungle thaï. Un reportage d'Agnès Poirier. Kamikaze rock'n'roll, les seules couleurs qu'ils acceptent de porter. La Souris Déglinguée, 10 ans de service sur le front parisien. Aux commandes, Ty Luke. Aussi à l'aise dans cette putain de zone, comme il la chante, que sur la muraille de Chine. Avant de partir de Pékin, j'ai acheté ça, quoi. Parce que pour la simple raison que, si tu veux, que cet instrument, il porte mon nom. Et en chinois, ça s'appelle Xiaoluan. Et en vietnamien, ça s'appelle Tiu Nguyen. Donc, ça veut dire petit Nguyen, quoi. Donc, je sais pas. Imagine un Français, si tu veux, qui se balade dans la France profonde et il trouve un instrument qui s'appelle Petit Dupont. Ty Luke est français, son père a quitté le Vietnam pour Paris il y a 50 ans. Ses amis, il les a rencontrés en voyage à Pékin, à Lhasa, à Rangoon ou au puce de Clignancourt. Avec eux, il a appris le chinois, mais il parle aussi verlan. Pas de place pour les nuances dans la vie ou bien sur scène, avec la Souris Déglinguée, attention, turbulence. On a toujours été du côté de l'énergie, on a toujours été du côté du rock'n'roll. Dire, on aime tout, je veux dire, tout ce qu'a la pêche, chaque fois que l'énergie est au rendez-vous, tu peux pas ignorer un artiste ou un groupe, quoi. C'est sûr qu'on n'a jamais, jamais flashé pour Alain Chamfort, quoi. Tu te sens plus français ou plutôt asiatique? Là, je suis déçu de ta question, mais enfin, bon, je te pardonne, parce que c'est la question qu'il ne faut pas poser, si tu veux. Il faut faire la différence entre ce qui est la nationalité qui est marquée sur ta carte d'identité ou sur ton passeport, et puis la nationalité que tu as au fond de toi-même. Et je crois que la nationalité que j'ai au fond de moi-même, c'est celle d'être citoyen du monde. Pour cause de public jugé trop violent, la Souris Déglinguée avait dû se replier en banlieue. Aujourd'hui, ils attaquent Paris, demain, la Chine. Oui, on y va. Oui. Avant, ça, c'est la zone des tempêtes. Et quand la foule, elle bouge, rien ne l'arrête. Autant que je m'en souviens, ils dansent la java. Avec à la ceinture, les couteaux vont comme ça. À l'âge où les enfants en Europe font la ronde. Et là, sur toi, voilà, sans transition. En exclusivité, uniquement dans British Connection. Bonjour, aujourd'hui c'est Jean-Noël Levavasseur dans British Connection. Je suis l'invité de cette émission pour vous parler d'un petit livre que j'ai écrit et qui s'appelle Les Souvenirs Déglingués. Les Souvenirs Déglingués doivent forcément résonner dans vos oreilles comme un clin d'œil à un groupe bien connu et aujourd'hui regretté, La Souris Déglinguée. C'est effectivement en hommage à La Souris Déglinguée que j'ai fait ce petit livre. Alors l'histoire de ce livre, elle est très simple, hein, c'est que j'ai, comme tout le monde, appris... le dimanche 3 décembre 2023, la mort de Ty Luke, le chanteur emblématique de La Souris Déglinguée, qui est un groupe que j'aimais depuis longtemps. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu un choc. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me dire, je vais faire comme tout le monde, je vais réunir tous mes disques et faire une photo et mettre ça sur les réseaux sociaux, puisque je ne suis pas très présent sur les réseaux sociaux, mais je suis au moins sur Facebook. Et puis en fait, j'ai vu que tous les fans commettaient le même geste en hommage à Ty Luke. Et je me suis dit que c'était pas la peine de faire une photo de plus avec les mêmes disques, puisqu'on a tous les mêmes et on a tous les mêmes références. Et en fait, j'ai réalisé que, en tant que journaliste, j'avais quand même interviewé la souris déglinguée un certain nombre de fois, Ty Luke surtout, et qu'au-delà de ça, j'avais vu aussi la souris déglinguée avant d'être journaliste, et que le meilleur hommage que je pouvais rendre au groupe, c'était peut-être finalement de faire un petit livre. Alors c'est un livre sans ambition particulière, hein, c'est juste une compilation de souvenirs que j'ai pu vivre en tant que spectateur de La Souris Déglinguée. Et puis dans un deuxième temps, plus long, c'est une, je le disais tout à l'heure, une compilation d'interviews que j'ai réalisées alors, sur quasiment 30 ans. Puisque la première interview, c'était en 1992 à Paris. Et la dernière est plus est téléphonique. Hein. Voilà, elle date de 2023, je crois. Et c'est une interview de 2021. C'est non pas une interview de Ty Luke, mais une interview de Manu Castillo, qui a été guitariste de Wunderbar, notamment, et qui a été guitariste de La Souris Déglinguée à la demande de Ty Luke, une fois que Muso, le saxophoniste, s'est mis un peu en retrait. Et Ty Luke voulait donner, je crois, un côté un peu plus coup de poing, un peu plus punchy peut-être à son groupe, et donc avait sollicité Manu Castillo, qui nous explique qu'il a vécu une bonne année aux côtés de La Souris Déglinguée. Alors c'est un livre hommage, c'est pas du tout un livre polémique, il y a eu beaucoup de polémiques autour de La Souris Déglinguée tout au long de leur carrière. La dernière étant au sujet d'un concert qu'ils ont donné à Fréjus, qui est une ville Rassemblement National, et où La Souris, ou en tout cas Ty Luke, est allé en connaissance de cause. Ça a fait beaucoup de bruit. J'aurais pu en parler. C'était pas l'objet du livre. L'objet du livre, c'était de rendre hommage à Ty Luke, et je me suis vraiment tenu à ça. Et donc, c'est un hommage à La Souris Déglinguée. Et je vous propose, puisqu'on va faire une petite pause, d'écouter un morceau qui s'appelle « En Indochine ». Fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. British Connection, avec vous depuis 1982. You rock! C'est Jean-Noël Levavasseur dans British Connection. Je vous parle aujourd'hui d'un livre que j'ai commis et qui s'appelle Les souvenirs déglingués. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Le livre est sorti dans une petite maison d'édition associative qui s'appelle L'or écarlate. L'or, non pas comme le métal précieux, mais l'or comme une rivière, donc L'A-U-R-E. Si vous tapez sur Google L'or écarlate, donc L'or L'A-U-R-E, vous trouverez facilement les références pour accéder à ce livre. Je vous disais tout à l'heure que j'ai sorti ce livre, c'était vraiment un hommage de fan, j'ai envie de dire, parce que je suis à la fois journaliste, mais j'ai aussi quelques goûts musicaux, et en l'occurrence, La Souris Déglinguée fait partie de mon panthéon musical. Moi, je les ai vus pour la première fois en 1985, j'étais encore tout jeune étudiant, peut-être, ou lycéen, et je les ai vus dans un festival, alors c'est assez marrant, c'est un festival qui n'a vécu qu'une édition, qui s'appelait Eurorock, qui était à Port-Bail dans la Manche, et pour ceux qui connaissent la chanson Banzai, Tailuk fait référence à Port-Bail, puisque c'était une chanson constituée de rimes en haï, et non seulement Port-Bail sonnait comme il fallait, mais aussi, Tailuk m'avait expliqué, c'est dans le livre, que ce concert de Port-Bail a été un moment important pour La Souris Déglinguée, parce que c'est la première fois qu'ils voyaient dans le public des fans qui étaient venus de toute la France, en Normandie en plus, c'est pas très central, pour assister à un concert de LSD. Donc voilà, ça a été mon premier contact. Et puis, à la suite de ça, j'ai revu le groupe plusieurs fois, dont une fois un peu épique, non pas à cause du groupe, hein, mais j'avais vu ce groupe qui avait invité en première partie un groupe totalement inconnu à l'époque et totalement inconnu de mes services, si je puis dire, c'était les Garçons Bouchers. Et en fait, sur le chemin du retour, j'étais avec un ami de lycée et on s'est fait courser par une voiture. Ça pourrait être un week-end sauvage, hein, la souris chantait week-end sauvage. Nous, on s'est fait poursuivre par une voiture, on a failli se faire casser la figure, on s'est caché dans le jardin, c'était dans un lotissement pavillonnaire, on s'est caché, mais on a quand même été menacé de très près par ces gens-là. Heureusement, ils étaient bien accompagnés par des jeunes filles qui leur ont dit que elles avaient sans doute mieux à faire que de passer leur temps à nous taper dessus ou à nous menacer. Donc on s'en est pas trop mal sorti. Et puis voilà, ça m'a pas découragé. La souris n'étant évidemment pas du tout associée, sauf que je revenais d'un concert de la souris. Mais pour le reste, mon rapport à la souris est très uniquement musical. J'ai quand même fait, il faut le dire, diriger un recueil de nouvelles il y a quelques années qui s'appelait La Souris Déglinguée, 30 nouvelles lysergiques, qui était un recueil de nouvelles sorti chez Camion Blanc, toujours disponible d'ailleurs. Et mon idée, c'était, j'ai dirigé un certain nombre de recueils de nouvelles hommage à des groupes de rock internationaux, mais je voulais, en France, je voulais faire La Souris Déglinguée. Voilà, c'était vraiment le groupe auquel je voulais rendre hommage. Alors, on était une trentaine d'auteurs, avoir chacun choisi une chanson, et chacun s'était inspiré d'une chanson pour écrire un petit texte d'une dizaine, quinzaine de pages à chaque fois. Et donc, c'était sorti chez Camion Blanc. Et puisque l'actualité est ce qu'elle est, mais il se trouve que moi, j'ai repris cette nouvelle pour un autre recueil de nouvelles, mais cette fois de moi uniquement. C'est pas un recueil collectif. J'ai compilé des nouvelles que j'ai écrites ces dernières années qui sont toutes inspirées par des groupes de rock, que ce soit les Clash, les Ramones, les Cramps, etc. Et en fait, quand j'ai relu toutes ces nouvelles, il y a vraiment deux nouvelles qui pour moi s'imposaient et qui se renvoient, qui se font écho, puisqu'elles mettent en scène les deux protagonistes de la chanson Saint Sauveur, donc en gros un skinhead et une jeune femme d'origine asiatique. Et donc le livre qui sort au mois de mai prochain dans une maison d'édition toute jeune qui s'appelle Maëlo sortira, donc le livre sort au mois de mai, je vous le disais, sous l'intitulé Saint Sauveur. êtes toujours dans British Connection et c'est encore Jean-Noël Levavasseur qui va parler des souvenirs déglingués. Alors je ne parle pas de moi, la troisième personne, hein, c'est juste pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Et donc je vous parle des souvenirs déglingués parce que c'est un livre que je viens de sortir dans une petite maison d'édition qui s'appelle L'Or Écarlate. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez la retrouver facilement sur Google en tapant L'Or, mais L-A-U-R-E, L'A-U-R-E, Écarlate. C'est un petit livre qui est vendu 10 euros avec les frais de port en plus, ça fait 14,80 euros. Et en fait, c'est une histoire un peu folle parce que je disais tout à l'heure que moi, c'était une espèce de catharsis. Hein, je voulais, la mort de Tai Luc m'a beaucoup peiné et moi, je voulais faire un petit truc. Donc j'ai eu l'idée de ce petit recueil, j'en ai fait une centaine, donc c'est vraiment rien. Et j'hésitais même à communiquer sur Facebook avec ça en me disant les gens vont hurler en scandale, en disant que, enfin les fans en particulier, en disant que en gros je voulais me faire de l'argent sur le dos de Tai Luc qui venait de mourir. Donc d'une part j'ai décidé de ne pas toucher d'argent sur ce projet, donc de ne pas toucher de droit d'auteur, de faire ça dans une maison d'édition associative, comme ça personne n'enrichira. Des actionnaires. Et ce qui s'est passé, j'ai balancé un post Facebook pour dire que le livre existait. Et ce qui est arrivé est un petit peu fou parce qu'en fait, il y a eu un maximum de clics en très peu de temps et surtout un maximum de commandes. Alors je vous disais tout à l'heure, j'avais fait exactement 101 exemplaires parce que ça s'inscrit dans le cadre d'une collection qui s'appelle 101ers en hommage au premier groupe de Joe Strummer. Et en fait, les livres sont partis en moins de 24 heures. Et sauf que l'idée au départ, c'était de pas le rééditer. Mais en fait, comme avec PayPal, les gens pouvaient commander à l'infini, la question s'est pas posée longtemps. C'était évident, il fallait faire une deuxième édition. Donc la deuxième édition est en vente maintenant, après un petit délai d'attente, parce qu'il fallait que l'imprimeur refasse des livres, ce qui a permis d'améliorer quelques petites choses, un peu moins de photos d'orthographe, une photo en plus, une maquette un petit peu revue avec des couleurs différentes. Et puis les commandes ont continué à affluer. Alors je le sais parce que c'est moi qui poste les livres, je ne reçois pas les PayPal, mais par contre je vais à la poste et les commandes sont venues d'Espagne, d'Italie, du Canada, de Belgique, pas mal, et avec des retours assez étonnants. D'abord les gens qui sont contents qu'on rende hommage à Tai Luc, et puis surtout après des témoignages qui sont vraiment très émouvants parfois de gens qui me remercient infiniment de rendre hommage à Tai Luc, de perpétuer un peu la mémoire du groupe et du groupe La Souris Déglinguée et du chanteur. Et c'est extrêmement touchant pour moi de recevoir tous ces témoignages. Il y a des musiciens du groupe aussi qui ont commandé le livre d'ailleurs. Et moi, je le faisais vraiment pour moi. C'était une façon d'atténuer ma peine. Et finalement, tous ces témoignages font vraiment chaud au cœur et donnent au bouquin une dimension complètement différente à tout ce que j'ai pu publier auparavant. Parce que là, évidemment, c'est un chanteur mort. Donc on connaît, hein, il y a des gens dont la spécialité est un peu de rendre hommage aux chanteurs morts parce que ça vend toujours. Moi, c'est pas ça, c'était vraiment de rendre hommage à un groupe que j'aime beaucoup depuis presque 40 ans et avec qui je vais pas dire des relations amicales, mais avec qui on se connaissait, disons, voilà. Et donc l'idée, c'était d'aller vers ça, et en fait, j'ai l'impression que beaucoup de fans se sont retrouvés dans ma démarche. Et c'est un petit peu, c'est même franchement très, très émouvant. Et je me dis que j'ai vraiment bien fait de faire ce livre. Alors le deuxième tirage commence à toucher à sa fin. Mais si jamais ça vous intéresse, je vous le dis, vous tapez dans Google L'Or Écarlate, L-A-U-R-E Écarlate, et vous trouverez très facilement le bouquin. Quant à moi, je crois que je vous ai presque tout dit. J'ai juste envie d'ajouter longue vie aux sauvages, comme disait Tai Luc. Et puis de vous faire écouter cette chanson qui résume tout. Ça s'appelle Salut les copains. C'était Jean-Noël Levavasseur dans British Connection. Salut les copains. bat, il est ton mot. Salut les campeurs, montre leur paix avec eux. Salut les campeurs, salut les campeurs, salut les campeurs, salut. British Connection. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. British Connection. Ouvrez vos oreilles, vous êtes bien sur British Connection. Monsieur l'agent, je vous en prie, j'ai encore jamais fait de bêtises, je vous le jure. Ma mère va me tuer, elle va me tuer. Il fallait réfléchir un peu avant de vous laisser entraîner par ces truands. British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'est la troisième partie et fin de l'album de la semaine. C'est leur premier LP, il s'appelle Bruit Führer. Ils seront d'ailleurs en release party samedi à 19h au studio du Cerisier à Toulouse. Somos las herederas de una herida errada ayer y hoy. Somos las herederas de ruinas y héroes de un exilio ventoso. Existo luego yo lo digo. Le titre Argelès, mon amour, est un hommage aux 500 000 réfugiés espagnols de la guerre civile et à tout exilé d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Barbe et de rouge bonbon.